comme mortification. Mortifiez vos défauts, c'est-à-dire combattez-les pour vous en corriger. N comme naïveté. Soyez simple comme la colombe. C'est le conseil de Jésus. Séjour en Égypte. En Égypte, Joseph gagnait sa vie par son travail. Jésus n'était point encore assez fort pour lui aider. Mais, agenouillé à côté de Marie, il priait avec ferveur et demandait grâce à son Père pour les péchés des hommes. Un enfant, trop faible pour travailler avec ses parents, peut toujours prier Dieu pour leur bonheur. La prière d'un cœur pur est toujours exaucée.